On retrouve tout de suite Patrick Pénaud avec ses rendez-vous avec X. Le vieillard à barbe blanche a les larmes aux yeux. Il semble brisé, malade. Il y a 16 ans qu'il est en prison. Ce jeudi 3 septembre 1998, Marcus Klingberg comparaît devant le tribunal de Beersheva dans le désert du Negev. Son avocat demande sa libération en raison de son état de santé très préoccupant. Si Klingberg n'est pas élargi, il mourra en prison. Lorsqu'un moment plus tard, le tribunal rend sa décision, le visage du prisonnier s'éclaire enfin. C'est la liberté. Mais une liberté étroitement surveillée. Klingberg ne pourra sortir de son appartement de Tel Aviv que pour aller consulter son médecin. Il sera alors accompagné par un homme du contre-espionnage. Seuls quelques proches, figurant sur une liste agréée par les services de sécurité, seront autorisés à lui rendre visite. Ses communications téléphoniques seront écoutées. Et enfin, un agent du contre-espionnage vivra en permanence à ses côtés. D'une voix tremblante, Klingberg n'en remercie pas moins ses juges, car tout vaut mieux que l'isolement dans lequel il a vécu de si longues années. Puis il se tourne vers le procureur qui, au nom de l'État israélien, peut encore faire appel. « J'espère que tu ne vas pas me créer de problème. » Le magistrat soupire et lâche. « Tu sais très bien que cela ne dépend pas de moi. » Une réponse qui en dit long, car la liberté de Klingberg est une affaire d'État. Qui est donc ce mystérieux Marcus Klingberg, qui à l'âge de 80 ans, semble encore représenter une menace pour la sécurité d'Israël? Celui qu'on a appelé le masque de fer israélien est un savant de renommée internationale, un spécialiste en épidémiologie. En 1983, au cours d'un procès secret, il a été condamné pour trahison au profit de l'URSS. Puis il a été enfermé sous une fausse identité et véritablement coupé du monde extérieur. Depuis, toutes ses demandes de libération ont été refusées et en ce 3 septembre 1998, malgré la décision positive des juges de Beersheva, il ne sait pas encore s'il pourra recouvrer la liberté. Le procureur ne fera pas appel. Le vieil homme a donc pu gagner son appartement où il vit désormais sous surveillance. Il a pu voir les quelques membres de sa famille qui lui restent. Il sait qu'il vit les derniers jours de sa vie, une vie dramatique, héroïque et mystérieuse. En effet, selon M. X, qui a ouvert pour moi ce dossier, l'affaire du masque de fer israélien est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, les raisons de son enfermement aussi. Mais avant d'en venir directement à cette histoire, je vous propose d'écouter le début de mon entretien avec M. X. Ness Ziona, vous connaissez? Absolument pas. Non. C'est un établissement scientifique israélien très secret, situé pas très loin de Tel Aviv. Et quelle recherche, genre de recherche y poursuit-on? On y étudie différents types d'armes. Des armes classiques? Ah non, des armes chimiques, bactériologiques. Vous savez ce qu'on appelle la bombe nucléaire du pauvre. Et qu'on soupçonne justement Saddam Hussein d'avoir fabriqué en quantité. Exactement, oui. Alors les Israéliens aussi? Bien sûr. Je croyais pourtant qu'il existait un traité sur ce genre d'armes. Mais même plusieurs traités signés par de nombreux pays, dont Israël. Mais si ces traités ne sont pas suivis de contrôle, ils demeurent parfaitement inefficaces, vous le savez très bien. Et puis rien n'empêche de continuer à fabriquer des armes chimiques, par exemple sous couvert d'activités industrielles apparemment licites. D'accord, mais revenons quand même à cet établissement-là. Comment l'appelez-vous déjà? Ness Ziona. Le patron en a été longtemps un certain Marcus Klingberg. Et c'est de ce personnage que je voudrais vous parler. Car on dit que cet homme, ce savant, a été à l'origine de la plus grave histoire d'espionnage de l'histoire d'Israël. Et c'est vrai? Si vous le voulez bien, on va tâcher d'y réfléchir ensemble. Mais une question, avant de commencer. Vous avez eu accès à des informations inédites sur cette affaire? Je crois vous avoir déjà démontré à de nombreuses reprises que j'avais de très bons amis israéliens. La grande confrérie des agents secrets. Pourquoi pas? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Klingberg est né en 1918 à Varsovie. Il se prénomme alors Marek, qu'il transformera beaucoup plus tard en Marcus lors de son arrivée en Palestine. Quel milieu? Une famille juive, traditionnaliste et modeste. L'un de ses grands-pères a été rabbin, et sa langue maternelle est bien évidemment le yiddish. Le petit Marek est un garçon brillant, curieux, avide de savoir. Et à 18 ans, il entre à la faculté de médecine. Si je calcule bien, c'est quelques années avant la guerre. Oui, et Marek prend très vite conscience du danger nazi. Plutôt progressiste, il lui arrive d'écrire dans un journal étudiant où il dénonce les théories racistes des nazis, mais aussi l'antisémitisme chronique des Polonais. Mais ce n'est pas pour autant un militant. La grande affaire de sa vie, c'est la science et la médecine. Et que devient-il lorsque les Allemands envahissent la Pologne? Il fuit. Parce qu'il prévoit que les Juifs vont être décimés, c'est oui, ça oui, oui. Et sa famille, elle? Comme la grande majorité des Juifs polonais, elle demeure sur place et elle subira le sort de tous les autres. Mais où Marek Klingberg fuit-il? En URSS. L'URSS qui va pourtant dépecer la Pologne en compagnie d'Hitler, puis qui n'était pas particulièrement philosémite, on l'a vu lors des procès de Moscou. C'est vrai, c'est un choix qui peut surprendre, mais Klingberg n'a pas peut-être eu d'autres solutions. En tout cas, le jeune étudiant en médecine est très bien accueilli en URSS et il continue ses études et il va même obtenir la citoyenneté soviétique. Et politiquement, il a évolué? Vous voulez dire, est-il devenu communiste? Par exemple, oui. Franchement, je n'en sais rien. Mais incontestablement, Klingberg se sent redevable à l'URSS de l'avoir accueilli, sauvé en quelque sorte. Et lui-même, à son tour, va exprimer cette reconnaissance. Mais comment, de quelle façon? Eh bien, lorsque l'Allemagne attaque l'URSS en juin 1941, Marek Klingberg, qui vient tout juste de terminer ses études de médecine, s'engage immédiatement dans l'armée rouge. Et il finira la guerre en tant que capitaine. Mais c'est surtout en tant que médecin militaire qu'il va servir son nouveau pays. Médecin sur le front. Hein. Oui. Et ensuite, en tant qu'épidémiologiste, la spécialité qu'il a choisie, il va acquérir plus tard une réputation mondiale dans le monde scientifique. En URSS, à cette époque, il accumule diplôme sur diplôme. Et après la guerre, alors, imagine-t-il de s'installer définitivement en URSS? Non. Assez naturellement, il retourne d'abord chez lui. En Pologne, donc. Dans ce qu'on appelait autrefois le Yiddishland. Oui, le pays où on parlait le Yiddish. Oui. Et qui s'étendait bien au-delà de la Pologne, dans cette Europe centrale et orientale, où les Juifs étaient installés depuis des siècles, malgré les exclusions, les persécutions, les pogroms. Mais lorsque Klingberg est rentré chez lui, ça a été pour constater le désastre. Des 3 millions de Juifs qui vivaient en Pologne, il ne restait plus que quelques milliers. Je vous l'ai déjà dit, tous les parents de Marek avaient disparu. Alors que fait-il? Il offre quelque temps ses services au ministère de la Santé. C'est là qu'il rencontre une jeune biologiste, Wanda, une survivante du ghetto de Varsovie, qui, elle aussi, a perdu toute sa famille dans les camps. Ils se marient, et très vite, ils partent. Parce que leurs souvenirs sont trop douloureux? Je l'imagine. Et pourtant, avec ses diplômes, ses états de service dans l'armée rouge, Klingberg aurait certainement pu faire une belle carrière en Pologne. Ils partent où? Pour la Palestine? Pas tout de suite, non. Klingberg et sa jeune épouse s'installent d'abord en Suède. Et c'est là que, pour la première fois dans sa vie, Marek va manifester de l'intérêt pour le sionisme. Que fait-il là? Il fait partie de ces juifs européens disséminés un peu partout qui recrutent des volontaires pour la Haganah, c'est-à-dire ce qui deviendra la future armée israélienne. Donc il se reconnaît dans le sionisme? Je crois surtout qu'il ne supporte plus cette Europe qui a laissé mourir tous les siens. Et puis, sans aucun doute, il se sent proche des sionistes de cette époque qui veulent construire un pays démocratique et socialiste. Ce qui attire cet humaniste progressiste, c'est d'abord la Palestine des kibboutzim. Donc c'est toujours un homme de gauche? Il le restera toute sa vie. Plus tard, il affichera même des opinions d'extrême-gauche. Et notez-le bien, il n'hésitera jamais à exprimer publiquement sa sympathie pour l'URSS. L'URSS, qui, ne l'oublions pas, soutiendra la création de l'État d'Israël. Et alors quand choisit-il à son tour de partir? En 1948, dès que l'État d'Israël est proclamé. À peine installé, le capitaine de l'armée rouge est intégré dans l'armée israélienne, toujours en tant que médecin, naturellement. Et il combat pour l'indépendance de son nouveau pays. C'est sa deuxième guerre, ça? Oui. Marek, qui a maintenant transformé son prénom en Marcus, est incontestablement un homme courageux. Ça fait deux fois que là, vous faites allusion à ce changement de prénom. Cela a-t-il une signification? Je n'en sais rien. Mais on peut penser qu'en abandonnant son vieux prénom juif polonais, Klingberg voulait rompre avec son passé, définitivement. Oui, peut-être, oui. En tout cas, dès que la première guerre entre Arabes et Juifs se termine, le destin de Marcus Klingberg est scellé. Car l'armée israélienne s'intéresse aussitôt aux travaux du jeune chercheur. Désormais, Klingberg vivra deux vies, une vie officielle et une vie secrète. Sans déflorer la suite du récit de M. X, je voudrais citer ces quelques lignes extraites d'un livre d'Alain Brossa, intitulé « Agent de Moscou » et publié en 1988 chez Gallimard. Brossa, qui est un ami de Marcus Klingberg, écrit ceci. Tel était cet homme, né juif de citoyenneté polonaise, naturalisé soviétique, puis à nouveau polonais, puis israélien, qu'une existence aussi malmenée, tiré à U et à Dia, traumatisé par des blessures inguérissables, se vivent en double ou en triple, rechigne à se plier à d'abruptes raisons d'État et se détermine selon sa logique propre, n'est vraiment pas fait pour surprendre. Le malheur de cet homme est que ses fidélités, le sentiment de ses devoirs ou obligations, le mouvement de son existence n'aient pas coïncidé avec une patrie, une communauté, une fois pour toutes, dessinée. Il n'est pas bon d'être ainsi homme de partout et de nulle part, polyglotte, doté de singulières capacités mimétiques, mais contraint finalement à une seule fidélité, celle qu'il se doit à lui-même. Vous m'avez dit que, dès la fin de la première guerre avec les Arabes, le destin de Klingberg était scellé. Oui, à cause de la nature de ses premiers travaux. En URSS, au Kazakhstan exactement, Klingberg s'est beaucoup intéressé aux maladies de blé et aux conséquences de ces maladies chez l'homme. Et ça, ça passionne les militaires. Ah ben ça, expliquez-moi alors. Le jeune État israélien va vivre ses premières années dans un véritable encerclement militaire et démographique. Et chacun sait qu'un jour ou l'autre, il faudra à nouveau affronter les armées arabes. Par conséquent, la priorité, c'est de renforcer à tout prix les défenses du pays. Ses défenses, mais aussi ses capacités d'attaque. Oui, mais je vois pas le rapport avec les maladies du blé. Hein. Des armes bactériologiques, ces poisons vivants qu'on peut disséminer chez l'adversaire et qui sont susceptibles de provoquer des dégâts considérables. Attendez, l'armée israélienne demande donc à Klingberg de procéder à des recherches sur les armes bactériologiques. C'est oui, bien ça, hein? Oui, tout à fait. Mais pardonnez-moi, mais la nature de ces travaux ne me semble pas tout à fait correspondre au portrait que vous avez fait de l'humaniste Marcus Klingberg. Vous avez raison, mais Klingberg pouvait-il refuser d'aider ce nouvel État qui était d'abord pour lui le foyer des survivants des camps nazis? À l'évidence, non. Même si ses convictions personnelles devaient en souffrir. À partir de là, il va donc mener une sorte de double vie, tout en exerçant de prestigieuses fonctions universitaires et en publiant de nombreux textes sur ses recherches en épidémiologie, il va diriger les travaux du très secret centre de Nesziona. Mais était-ce vraiment un savant reconnu par la communauté scientifique internationale? Absolument. Ouais. Responsable d'une collection scientifique en Suisse. Il était professeur invité de plusieurs grandes universités aux États-Unis, en Norvège, en Angleterre. Il s'est aussi occupé d'une association internationale sur les malformations congénitales. Et il présidait le comité qui étudiait les conséquences sanitaires de la catastrophe chimique de Seveso. La dioxine, c'est ça? Oui, la dioxine. Oui, donc, c'était une personnalité importante du monde scientifique. Mmh. Hein. D'accord. Alors, parlons de ce mystérieux centre de Nesziona. Mmh. Je dois d'abord vous prévenir. On sait très peu de choses sur cet établissement qui est étroitement surveillé et protégé par les hommes du Shin Bet, le contre-espionnage israélien, est placé directement sous l'autorité du Premier ministre. Enfin, on sait quand même qu'on y travaille sur les armes chimiques et bactériologiques. Oui, oui, il y aurait 4 départements. Biologie, chimie, physique et médecine vétérinaire. Et les spécialistes estiment que les chercheurs y ont mis au point une 40aine d'armes non conventionnelles, comme on dit pudiquement. Pudiquement, ouais. Ouais. Et que vraisemblablement, ils continuent à travailler au perfectionnement de ces armes très sophistiquées. Mais pouvez-vous quand même être un tout petit peu plus précis, hein? L'objectif de ces armes, c'est de neutraliser plus ou moins durablement, et même parfois définitivement, les soldats ennemis. Un autre objectif peut aussi viser le tarissement des ressources alimentaires. Il faut dire que d'un point de vue strictement militaire, ces armes ont un intérêt énorme. Contrairement aux armes classiques, elles ne détruisent ni les matériels, ni les infrastructures. Mais seulement les hommes, quoi. Et donc, après leur utilisation, vous pouvez récupérer ces matériels intacts. On ne peut pas être plus cynique, hein. Non, je ne prends pas ça à mon compte, hein, je vous explique seulement. L'autre intérêt de ces armes, tant bactériologiques que chimiques, c'est qu'elles peuvent être efficaces même en petite quantité. Enfin, on peut les utiliser en les associant avec des armes classiques. C'est-à-dire ? Une grenade à main, un obus, un missile peuvent être chargés de toxines ou de micro-organismes qui se dispersent dans l'atmosphère lorsque l'engin explose. Bref, c'est l'arme parfaite, quoi. Et beaucoup moins coûteuse qu'une bombe nucléaire. Les produits chimiques sont classés en irritants, en vésicants, suffocants. Et enfin les toxiques, ceux qui, par exemple, paralysent le système nerveux et provoquent généralement la mort. Mais charmant tout ça. Il y a encore des incapacitants, c'est-à-dire des produits qui mettent l'adversaire hors de combat pendant un certain temps. Quant aux armes bactériologiques, elles sont bien connues. Ce sont les agents de maladie comme le charbon ou la peste. Et il y a encore les toxines. Mais vous me semblez vraiment très bien informé. Dans les services, nous avons toujours étroitement surveillé les laboratoires susceptibles de fabriquer ces produits. Et notre crainte est qu'un jour ou l'autre, un groupe terroriste utilise ces armes, comme c'est d'ailleurs arrivé dans le métro de Tokyo. Enfin, heureusement, ces produits chimiques ou bactériologiques sont souvent instables ou d'un maniement délicat. C'est pour cela que des laboratoires continuent leurs recherches malgré les traités internationaux. J'ajoute que ces mêmes laboratoires travaillent aussi à la prévention. La prévention contre ces armes? Oui, mais ils cherchent des moyens pour détecter la présence de ces poisons et des moyens pour protéger les soldats exposés. Oui, ce qui, entre nous, insidieusement, pourrait justifier aussi leur existence. Hein. Exactement. Oui. Et c'est le cas à Nesziona? Vraisemblablement. C'est dans cet établissement qu'ont sans doute été conçus les matériels de protection utilisés par l'armée israélienne lors de la guerre du Golfe. Mmh. Mais est-ce qu'on a des preuves qu'à Nesziona, on expérimente vraiment ce type d'armes? L'histoire de Marcus Klingberg suffit largement à le prouver. On va y venir. Mais en 1992, on a eu fortuitement une autre preuve. Racontez. En cette année-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, un avion cargo israélien, un Boeing 747 d'El Al, s'est écrasé dans la banlieue sud d'Amsterdam. Ça, je me souviens, oui. Il y a eu de nombreux morts parmi les habitants des immeubles de cette banlieue. Hein. Des dizaines, oui. Et on a découvert à cette occasion que l'appareil transportait presque 200 litres d'un produit chimique provenant des États-Unis et destiné à Nes Diana. Quel genre de produit? Du DMPP, un composant du gaz sarin, un neurotoxique. Organophosphoré, particulièrement toxique. C'est celui qui a été utilisé par la secte Aoum à Tokyo, hein? Exactement, ouais. Oui, oui. Et comment ont réagi les Israéliens Ils ont naturellement été embarrassés. Et puis ils ont fini par se fendre d'un communiqué dans lequel ils ont prétendu que le produit était destiné à tester des filtres pour masque à gaz. Ouais. Et ce communiqué ne vous paraît pas sincère à vous, j'imagine? Non. Et je vous l'ai dit, la meilleure façon de dissimuler ce genre d'activité, c'est de prétendre qu'on travaille sur les antidotes. Enfin, peu importe. Cette affaire a porté la preuve sans équivoque qu'à Nes Diana, établissement couvert par le secret défense, on faisait bien des recherches sur les gaz de combat. Mmh. Et des recherches dont s'accommode apparemment Marcus Klingberg, qui lui-même travaille à la confection d'armes bactériologiques. Apparemment, oui. Vrai patron de Nes Diana, il n'exprime aucun trouble. Il donne d'ailleurs l'impression de s'être complètement intégré à la société israélienne. Ses meilleurs amis sont des savants, des hommes politiques, des généraux. Il paraît même que lui, le juif Askenaz, pétri de culture européenne, prend plaisir à fréquenter les juifs séfarades. C'est-à-dire les juifs méditerranéens. Oui. Ouais. Alors vous savez comment les deux communautés s'apprécient peu. Donc Klingberg est un parfait citoyen d'Israël. Oui. Et comme je vous le disais précédemment, cet intellectuel ne rate pas une occasion pour dire tout le bien qu'il pense de l'URSS. Non pas qu'il soit communiste, mais il pense que le monde a besoin d'une Russie forte afin que l'équilibre des forces soit maintenu. Or, je vous l'ai souvent répété, un espion ne professe jamais des opinions favorables au pays ou au camp pour lequel il travaille. Première bizarrerie, puisqu'on va l'accuser d'espionnage en faveur de l'URSS. Mmh. Et votre deuxième bizarrerie? C'est ce qui se passe en janvier 1983. Soudain, Marcus Klingberg disparaît. Et pour justifier cette mystérieuse disparition, on va raconter n'importe quoi. En 1998, une rumeur fait état d'accident mortel qui se serait produit dans les laboratoires de Nes Diana. Immédiatement, les services du Premier ministre Benjamin Netanyahou publient un démenti. Personne n'a jamais trouvé la mort lors d'un accident du travail à l'Institut biologique depuis sa création, il y a 45 ans. La direction de Nes Diana publie un communiqué semblable. Mais une dépêche de l'agence France Presse précise que ce double démenti survient à la suite d'informations du Foreign Report britannique faisant état de 4 personnes tuées et 25 blessées lors de 4 accidents distincts. Selon cette lettre confidentielle publiée à Londres, Israël s'apprêtait à évacuer les 25 000 habitants voisins de l'Institut après l'un de ces accidents, mais y a renoncé une fois le danger écarté. L'auteur de la dépêche ajoute « Les activités du laboratoire de Nes Diana sont couvertes par le secret et sujettes à la censure militaire israélienne. Israël exprime régulièrement ses craintes du développement d'armes chimiques et biologiques en Irak, en Iran et en Syrie, sans avoir jamais reconnu qu'il poursuivait lui-même un programme dans ce domaine. Pour les autorités, l'Institut de Nes Diana fournit des services non précisés au ministère de la Défense, des produits chimiques à l'agriculture et une assistance à des projets de recherche menés par des firmes israéliennes. On ne peut pas être plus vague. Autre chose, le journaliste de l'AFP souligne que les révélations de la lettre confidentielle anglaise coïncident avec une campagne des habitants de Nes Diana contre un projet d'expansion du laboratoire biologique sur plusieurs hectares. Enfin, toujours selon le Foreign Report, le complexe de Nes Diana abrite les laboratoires P3 qui s'occupent des poisons très violents. Et de rappeler qu'en 1997, deux agents israéliens ont été arrêtés à Amman après avoir tenté d'empoisonner un dirigeant du mouvement intégriste palestinien, Hamas. Celui-ci n'a pu être sauvé que grâce à des antidotes fournis par Israël sous la pression de la Jordanie. Alors qu'a-t-on raconté après la disparition mystérieuse de Klingberg? D'abord, pendant des mois, c'est le silence. Personne ne sait rien et ses proches se taisent. Et puis on murmure que le professeur aurait rencontré une jeune femme lors d'un séjour en Europe et qu'il aurait décidé de refaire sa vie avec elle. Selon une autre source, Klingberg, gravement déprimé, serait soigné en secret dans un établissement psychiatrique suisse. Enfin, près d'un an et demi après cette disparition, un journal anglais évoque la possibilité d'une fugue en URSS. Et ces rumeurs sont propagées par qui? Par les services secrets israéliens, ça ne fait pas doute. Et quand on évoque l'URSS, il montre le bout du nez. Bon, j'ajoute que cette hypothèse va être relancée par un journal israélien qui affirme que le chercheur a été séduit par une belle fonctionnaire du KGB. C'est du roman, c'est en réalité que s'est-il passé? Marcus Klingberg a été arrêté par le Shin Bet, le contre-espionnage israélien. Et aussitôt, il a été mis au secret et tous ses papiers ont été saisis, dans son bureau et chez lui. Donc ses proches, enfin sa femme au moins, savaient ce qui lui était arrivé? Oui, mais on les avait menacés. Si vous parlez, vous n'aurez jamais l'autorisation de le voir. J'ajoute que sa femme, Wanda, a été elle-même arrêtée et qu'elle a subi de nombreux interrogatoires avant d'être relâchée et contrainte au secret. Oui, c'était donc une sorte de chantage qu'on exerçait. Tout à fait. Oui. C'est que l'affaire devait rester absolument secrète. Pensez que lorsqu'il a été jugé et condamné à l'abri des regards, bien évidemment, son dossier portait la mention « État d'Israël contre X ». Car personne ne devait plus prononcer son nom. Et lorsqu'il a été incarcéré, c'est sous un faux nom. Pendant 10 ans, on n'entendra plus parler de Marcus Klingberg. Un mort-vivant, ça. Ouais. Exactement. C'est donc qu'on lui reprochait des choses extrêmement graves. Certes. Mais lesquelles, exactement? Les charges retenues contre lui n'ont jamais été rendues publiques. Et c'est la troisième bizarrerie de cette étrange affaire. Expliquez. Vous savez, je crois vous l'avoir dit au début de cet entretien, qu'on a dit que Klingberg était un espion. Un espion, à la solde des Soviétiques, bien sûr. Ancien officier de l'armée rouge, il aurait été recruté sans difficulté par le KGB, peut-être même avant son arrivée en Israël. Puis, au fil des années, il aurait livré aux Russes les secrets des armes chimiques et bactériologiques israéliennes. Oui. Mais personne n'a jamais apporté la preuve de ces allégations. Allégations auxquelles vous ne croyez pas? Attendez. C'est un centrifuge soviétique qui l'aurait dénoncé à la CIA. Pour étayer cette thèse de l'espion, on a prétendu, ses proches amis aussi d'ailleurs, qu'en donnant des informations au KGB, il payait ainsi sa dette à l'URSS qui l'avait accueilli et lui avait permis de poursuivre des études. Non, mais ça ne me paraît pas tout à fait déraisonnable. Hein. Oui, mais sa dette, il l'avait payée depuis longtemps, se portant volontaire dans l'armée rouge dès juin 1941, vous ne trouvez pas? Non, mais attendez, je vais encore me faire l'avocat du diable. Il était difficile à Israël de révéler les charges qui pesaient sur Klingberg, puisque c'était reconnaître de facto que l'État hébreu, en dépit des traités internationaux, continuer à fabriquer des armes prohibées. Bon, ça me paraît déjà plus sérieux. Je peux bien vous le dire, vous approchez de la vérité. Mais laissez-moi poursuivre. C'est en 1993 ou 94, je ne sais plus, que l'on apprend que Marcus Klingberg est réellement détenu dans une prison israélienne. Et deux journalistes français, René Bachmann et Edoui Plenel, vont d'ailleurs contribuer à la manifestation de cette vérité. On apprend en même temps que le vieil homme est très malade et qu'il a fait plusieurs tentatives de suicide. Aussitôt, ses amis scientifiques du monde entier, ses proches, se mobilisent pour obtenir sa libération. Ça me paraît normal, ça. Des grands noms signent pétition sur pétition, mais rien n'y fait. Klingberg reste en prison. Et est-ce que les autorités israéliennes donnent des explications? On dit que Klingberg connaît beaucoup trop de secrets et qu'il est donc impossible de le relâcher dans la nature. Autre chose qui accrédite la thèse israélienne de l'espion soviétique, des tractations secrètes ont eu lieu afin de procéder à un échange d'espions. Un échange entre qui et qui? Les Israéliens voulaient obtenir la libération d'un de leurs pilotes tombé aux mains des Syriens. Ils voulaient que les Russes fassent pression sur Damas. En échange, ils étaient prêts à leur remettre Klingberg. Mais l'affaire s'est compliquée car, dans le même temps, Israël a demandé que les Américains, à leur tour, libèrent un de leurs espions arrêtés aux États-Unis. Sorte d'échange triangulaire? Oui, mais une négociation pipée dès le départ, car les Israéliens n'envisageaient nullement de libérer Klingberg. La négociation a donc échoué? Oui. Puisque Klingberg n'était pas un véritable espion. Alors, attendez, que voulez-vous dire? Klingberg, je l'ai dit, avait des sympathies certaines pour les Soviétiques. Et il ne s'en cachait pas. Mais il était encore plus attaché à son pays. Or, ce chercheur ne pouvait plus supporter qu'Israël continue à fabriquer dans le plus grand secret des armes réprouvées par la presque totalité de la communauté internationale. Alors qu'Israël avait signé ses traités interdisant la fabrication et le stockage des armes. Oui, mais ça n'avait pas empêché Klingberg de contribuer aux recherches sur ces armes. C'est vrai. Mais enfin, à l'époque, les traités sur ces armes n'avaient pas été signés. Et puis, on peut avoir des remords tardifs, non? D'autant que ces gaz de combat et ces produits bactériologiques devenaient de plus en plus sophistiqués, et donc de plus en plus dangereux. Alors, il a menacé de rendre public les secrets de Ness Ziona? Mais c'est ce que je crois, moi, qu'il n'ait menacé de révéler ses secrets à l'Est. Aux Soviétiques? Pourquoi pas? Les Israéliens partageaient sans doute une partie de leurs secrets avec leurs alliés américains. Et pour rétablir cet équilibre auquel il était si attaché, il a pu être tenté par une telle action. Quoi qu'il en soit, à partir de cet instant, Klingberg représentait un danger mortel pour la sécurité israélienne. En tout cas, ce qu'ont pensé les dirigeants de l'époque et les responsables du contre-espionnage. Et ils l'ont enfermé pendant plus de 16 ans pour préserver les secrets de Ness Ziona. Autant vous l'avouer, je n'ai trouvé nulle part l'évocation d'une thèse semblable. Même ses amis semblent avoir admis à regret que Klingberg était réellement une taupe soviétique. Mais n'était-ce pas le résultat auquel voulaient aboutir les services israéliens afin de justifier sa détention au secret? Monsieur X a évoqué le nom de René Bachmann. C'est en effet ce journaliste du Nouvel Observateur qui, le premier, en janvier 1994, a publié une enquête très exhaustive sur Marcus Klingberg, alors même que ce dernier était toujours en prison. Bachmann a donc soulevé un coin du voile et il a révélé que le cas Klingberg n'était pas isolé, je le cite. Il a fallu, en 1991, l'appel à la Cour suprême du journal de Tel Aviv, Air, à la suite d'un contentieux sur une affaire de censure, pour que la question des détenus au secret, Marcus n'est pas le seul, soit très prudemment soulevée. Selon l'arrêt de la Cour suprême, qui fait désormais jurisprudence, l'État doit prouver qu'une information peut porter atteinte à la sécurité d'Israël pour en interdire la publication. À ce jour, le gouvernement israélien n'a toujours pas révélé combien de disparus officiels, baptisés X, sont détenus dans les prisons du pays. Mais depuis le mois de mars, 5 noms ont été rendus publics par la presse avec l'aval de la censure. Et le journal Yediot Aharonot indiquait en juin que 3 autres Israéliens au moins, convaincus d'atteinte à la sûreté de l'État, étaient encore au secret. D'après une autre source, les X seraient au moins une dizaine. Bachmann ajoute qu'en ce qui concerne Klingberg, c'est le Shin Bet qui se serait formellement opposé à toute libération anticipée, en raison notamment des dossiers hypersensibles, les armes chimiques et bactériologiques, auxquels le professeur a eu accès. Et on le sait, Klingberg devra encore attendre 4 ans après la publication de cet article pour recouvrer la liberté, une liberté très surveillée à la fin de l'année 1998. À samedi prochain.